est posé sur la table. J'observe la ronde. Les enfants sur le sable se demandent-ils où va ce monde. Ils jouent à cap ou pas capable pendant que pètent des bombes. Mille questions dans leur cartable, et si quelqu'un les entend, qu'ils répondent. Et pour qui, pourquoi on fait ça? Des enfants et des noirs. Et pour qui, pourquoi on fait ça? Petit, je suis aussi petit que toi. Quand tu veux savoir pourquoi c'est beau ça et ça, ça ne l'est pas bien. La beauté pour nous ne s'explique pas. Pourquoi tu vois toi ce que moi je ne vois pas? On dit que l'homme ne voit qu'est-ce qu'il n'a pas. Je tape du poing sur la table, histoire que l'homme entende. Moi je n'aime plus les fables, ni les bonheurs de légende. Et tous les châteaux de sable que nous avons montés seront, si j'en crois les vagues, couverts par la marée. Et vous...